mec sur la tête, je puisse trouver ma girlfriend. Je me suis fait beau à fond de la plage, j'espère que ça va le faire. Regarde, je suis célibataire, et ce depuis bien trop longtemps. Je ne sais plus quoi faire pour que les filles me trouvent attirant. J'ai essayé d'offrir un verre, on m'a répondu, va te faire. J'ai proposé une partie de jambes en l'air, et ça ce n'est pas une chose à faire. Faut persévérer, je sais que ça va payer. Je vais bien trouver quelqu'un pour passer la soirée. À force d'attendre, je vais sombrer dans la folie. C'est la lune d'elle s'approche, elle n'est pas très jolie. Mais bon, je n'ai pas vraiment de choix. C'est la seule qui veut bien de moi. Je lui prends le bras, je suis déçu, mais ça je ne lui dis pas. Mon attente était si longue, j'arrêtais d'une haleine longue. Au final, je n'ai eu que le monde, mais j'espère qu'elle se sert de sa langue. J'ai bien serré, ça a payé. J'ai bien trouvé quelqu'un pour passer la soirée. Pas réussi à sortir avec une fille. Et s'il vous plaît, évitez de me parler de Raymond. Je n'ai pas réussi à sortir avec une fille. Tout simplement car Raymond avait une voix d'âme. J'ai fini la tête à l'enfer. C'était ta seconde, cesse de me plaire. Je me fais demander, c'est à refaire. Même si je rentre, c'est du parterre.